Des cacahuètes, j'en ai 17. Je vais bien, avenue des Pins. Ma famille est chouette, le soleil brille au loin. J'habite au 17, avenue des Pins. Eh ben bonjour Guillaume! Eh ben bonjour Maxime! Eh mon Dieu, ça fait une semaine qu'on s'est pas vu dans notre petite maison de campagne. Une grosse semaine. Caroline, que je suis content de me retrouver avec toi au 17 Avenue des Pins, puis avec vous tous, chers auditeurs qui nous écoutent à la maison. Oh ou oui, dans la voiture. Toujours un plaisir de s'écouter puis de se parler ensemble. Hein? Ah Caroline, si tu savais toutes les péripéties qui nous sont arrivées cette semaine, je vais te laisser commencer Maxime, parce que je sais que t'avais bien des choses à me raconter. Ben oui, justement, hey, en fin de semaine prochaine, c'est l'Animaracon à Sherbrooke. Okay. Ça, c'est une convention comme les autres, mais elle commence. C'est sa troisième année. Okay. C'est une de mes très bonnes amies qui organise ça. Ah, c'est Kim, ça? Ouais, c'est Kim. Ouais. C'est elle qui a fait mes tatous. Charlotte avec Kim. Puis c'est ça, ça tombe la fin de semaine prochaine. Puis là, vu que je suis staff là-bas, ben j'aide à organiser pas mal d'affaires. Imagine-toi donc, ouais, pour un jeu qui s'appelle la bataille navale cosplay, si je me trompe pas, on a besoin d'un damier de 10 par 10 pour une équipe, puis 10 par 10 par l'autre équipe. Chaque personne représente un bateau, là, je sais pas, j'ai jamais joué à ça, mais j'aide à le faire. Okay. L'année passée, on a pris du tape qu'on a collé sur le tapis, mais on a manqué de tape, c'était vraiment long, puis c'était pas terrible. Ok. Fait que là, cette année, on s'est dit, on va s'organiser d'avance. Fait que là, j'ai acheté 7 nappes vertes et 7 nappes roses au Dollarama. Oui. Que j'ai découpé en carré de 1 pouce, d'un pied et demi par un pied et demi. Ok. Pour que les gens puissent rentrer dedans. Fait que, dans le fond, il faut que je colle à peu près 200 cases. Ah, mon doux. Pour faire un damier de 10 par 20. Une case verte, une case rose. Une case verte, une case rose. Ah, mon Dieu. J'en ai 10 de collés. Ils sont tous coupés. J'en ai juste 10 de collés. C'est pour la fin de semaine prochaine. Oui. Fait que là, il faut vraiment que je me dépêche à coller toutes ces affaires-là. En plus de finir des activités, j'anime un jeu d'impro. Okay. Aussi pendant cette fin de semaine-là. Fait que si vous aimez l'impro, venez jouer à ça. C'est bien belle fun. Le monde est... Il trippe tout le temps, c'est quand j'anime ça. Ben oui, puis d'ailleurs, ta session d'improvisation est commencée. Ah oui, ça fait une semaine. Comment tu trouves ça, l'impro? Ah, moi, je trouve ça vraiment chouette. Écoute, je me souviens, dans le temps que je jouais, j'aimais vraiment ça. Puis là, ben, la semaine passée, c'était encore super, vraiment super. Ah ouais, fait que c'était ton retour. Ben ça c'est encore du suspense, hein. On n'est pas sûr si je jouais ou si j'étais dans le public. Fait que dans le fond, il va falloir que les gens viennent nous voir à l'impro pour savoir t'es dans quelle position. Exactement. Si j'étais dans l'improvisoire ou si j'étais en face de l'improvisoire. Oh mon Dieu, j'ai hâte de voir ça. Moi j'étais là, mais tu sais, je peux pas voler le punch. Non, tu peux pas voler le punch. C'est comme ton émission de Patrice Lécuyer, on peut pas voler le punch. Ben peut-être que je passe cette semaine, on le sait pas encore. Pas encore regardé les épisodes. Aïe aïe aïe. Fait que l'Animaracon, ça te met complètement dans le jus. Ah ben oui, c'est ça, parce que j'anime aussi un jeu d'adobe crochu, un jeu de cranium, j'anime un paquet d'affaires. Ça, tu fais tout ça bénévolement, ou t'as une compensation financière avec ça? Ben, je paye pas mon hôtel, puis je paye pas mon badge. Ah ben, écoute, c'est puis je rencontre plein de gens, puis j'ai aussi des lunchs, fait que... Ah, ben c'est bien correct, écoute. Ben en plus, c'est des activités qui sont le fun, là. Ben ouais, moi, je me souviens, on était allé à une convention ensemble. On a des chicones. On a des chicones, puis j'avais super aimé ça, là, je m'en rappelle. Là. Ben ouais, on avait animé un panel pour les furieux frangins. Ouais, puis on avait... Chantons tous les furieux frangins. Les furieux frangins. Hashtag rip in pepperoni. Puis, ouais, je me souviens, j'avais vraiment aimé ça. On avait rencontré des gens aussi. On avait rencontré. Ben oui, Luduc va être là aussi. Je sais pas si tu le sais, mais j'ai commencé à faire des vidéos avec lui. Ben oui, j'ai vu ça. T'avais fait deux collaborations avec que j'ai vu. Ouais. La publicité, puis sa dernière vidéo de top 5. Ben probablement pas sa dernière à la date où c'est diffusé, là. Mais celle que j'ai regardée, là. Ouais, pour Pays sur Start pour le Journal de Montréal. Puis là, je sais pas s'il va avoir sorti son vidéo de l'Otakuton, mais c'est moi qui filmais dans cette vidéo-là aussi. T'as-tu une petite apparition surprise? Et elle va falloir regarder la vidéo pour savoir. Oh oh! Oh oh! Pas de spoiler. On est en suspense aujourd'hui. Mon Dieu, on dévoile rien. On dévoile rien. On fait juste le strict minimum. Comme la maire de Québec. Le strict minimum. Et bref, pour finir sur une note haute, l'Animaracon, ben vous avez encore le temps d'acheter des billets puis de venir. Ouais. C'est la fin de semaine prochaine. On va mettre les dates à l'écran. Oh, quelle bonne blague. Mais non, mais pour vrai, si ça vous tente de venir en fin de semaine, venir me dire un beau bonjour, on va être là. Puis si vous voulez parler du podcast, moi je suis bien open à en parler. Puis si vous voulez venir participer au podcast, ben c'est la chance de venir m'en parler aussi. On est bien ouvert, mais n'importe. Ouais. Mais là, si vous voulez venir me voir en vrai, ça va être bien le fun. Toi, Guillaume, tu venais-tu? Mais là, est-ce que la convention va-tu être passée ou elle va être la semaine après? C'est en fin de semaine. Là. En c'est fin de semaine? Qui vient, ok, là. Ok. Fait que dans le fond, c'est déjà passé la convention, si je me trompe pas. Non, c'est la fin de semaine qui vient. Là. Ok, c'est la fin de semaine qui vient. Okay, non, au moment de la diffusion. Ok, c'est ça, je pensais. Ok, c'est beau. Moi, je peux pas venir, malheureusement. C'est bien plate, là, parce que je suis toujours au travail. Là. Le boulot m'appelle. C'est vrai. Tu sais comment le bowling, c'est réel, puis c'est demandant. Hier, il y a eu tellement de monde. Mais enfin, je t'en parlerai une autre fois. Mais oui, je pourrais pas être là. Oui, je pourrais pas être là. Oh! Mais tu disais que toi aussi, t'avais des grosses nouvelles. Eh, mais oui, cette semaine, cette semaine, je suis allé en camping avec Rosalie. Rosalie qui est ma copine. Shout out à Rosalie. Fait que, très belle petite madame, hein? Belle petite jeune demoiselle, je l'adore gros comme mon cœur. Enfin, bref, on est allé en camping, c'est dans, pas loin de Charlevoix, Baie-Saint-Paul. Je vais dire Charlevoix, mais c'était avant. Ok, ça vous tentait pas d'aller à A-Saint-Paul ni à C-Saint-Paul? Non, c'était Baie-Saint-Paul. Ok. C'était obligatoire. Fait qu'on s'en va là, on loue le terrain de camping, c'était vraiment pas si cher, c'était un peu la fin de saison des campings. C'est probablement notre dernier camping ou presque là. Ce qui fait que ben au moins pour l'été là. Peut-être qu'on va en faire cet hiver, mais on l'a pas encore choisi parce que c'est pas l'hiver, tu sais. Fait que on décide pendant la journée qu'on s'en va faire la randonnée au mont du lac des Cygnes. Okay. C'était tellement beau, mon homme, là. Mais j'ai vu une photo, là, vous étiez en haut d'une côte, là, puis on voyait vraiment loin, là. Oui, c'est 900 mètres d'altitude, 987 si ma mémoire est bonne, mais peut-être que ma mémoire est défaillante. Puis hey, c'était tellement beau, moi. C'était un paysage, là, à la Seigneur des Anneaux, là. Ben, voyons donc. Tu sais, là, quand ils s'en vont dans le premier, là, ils s'en vont se promener. Oui, un les marches, sont dans les vallées. Dans les vallées. C'est tellement beau. C'était exactement pareil. Puis on est monté à des places qu'on n'avait pas le droit de monter. Oh oh! Oh oh! Ben, mais c'est ça l'aventure aussi. Ben, hein. Exactement. Christophe Colomb, y avait-tu le droit de venir en Amérique? Je sais pas. Ben, c'était pas interdit par la loi. Ça, c'est sûr. Mais c'est quoi la loi qu'une création de l'homme? Effectivement. Ben, le truc, en fait, les places qu'on n'avait pas le droit d'aller, c'est parce que c'était des zones de régénération. C'est parce qu'il y a eu un feu au mont du lac des Cygnes dans les années 90. Puis il y a des zones qui sont comme interdites parce qu'il y a de la repousse, puis ils veulent refaire le paysage, c'est tout à fait compréhensible. Mais c'est parce qu'il y avait un beau rocher. Un rocher! Pas un caillou! Oh non, un rocher! Fait qu'on a décidé qu'on escaladait ce rocher-là, puis quand on est monté, on a tellement pas regretté, là, la vue était incroyable. On voyait tous les vallons avec... Il y avait le lac Georges, puis le lac Pee-Wee qu'on voyait au loin, là. Qu'est-ce que tes yeux d'elfe voyaient? Mes yeux d'elfe voyaient à travers ton âme, Maxime. Puis sincèrement, c'était une des plus belles randonnées que j'ai faites. On est resté 5 heures là-bas à se promener dans les sentiers. La première partie, c'était le sentier du lac Pee-Wee. Quand on se promenait dans le sentier du lac Pee-Wee, c'était un sentier accidenté. Ce qui fait que c'était quand même super amusant de se promener là-dedans. On grimpait sur les roches, on faisait du zigzag à gauche puis à droite, du slalom dans la forêt. Puis après ça, on a redescendu du côté du mont du lac des Cygnes. Le parcours du mont du lac Pee-Wee, c'est un parcours qui était côté difficile. Fait que c'est celui-là qu'on a choisi. On a hésité. Au départ, on voulait prendre celui du mont du lac des Cygnes, mais il était côté aussi difficile, mais il était un petit peu moins long. Fait qu'on s'est dit, mais on va faire le mont du lac Pee-Wee, puis en redescendant, on va faire le lac des Cygnes. Finalement, on a bien fait de prendre le lac Pee-Wee, parce que le mont du lac des Cygnes, c'est juste une grosse... un gros slalom, mais sur de la garnotte, là, puis avec des marches en bois. Aucun terrain accidenté. Fait que ça aurait été pas mal moins fun de faire ça. Pas mal moins difficile. Oui, c'est un terrain assez facile. Puis après ça, on est monté au sommet du mont du lac des Cygnes. Puis la vue est encore une fois incroyable. Là. Mais c'était une vue comme de l'autre côté. Du côté du mont du lac Pee-Wee, c'était incroyable parce qu'il y avait tous les vallons puis toute la forêt qu'on pouvait voir. Du côté du mont du lac des Cygnes, on voyait le lac des Cygnes, on voyait un peu de forêt, puis après ça, on voyait un petit peu les municipalités. On remarque que des municipalités, il n'y en a pas tant que ça dans ce coin-là. Mais quand même, c'était vraiment un beau moment que j'ai passé avec Rosalie. Puis si vous cherchez une belle randonnée à faire, le 10 septembre, la CEPAC ont une journée de... C'est la journée... je me souviens plus exactement comment ça s'appelle. Mais les randonnées de la CEPAC sont gratuites. Ok, c'est cool, mais pas mal sûr qu'au moment où est-ce que les gens vont écouter notre émission, le 10 septembre va être passé. Ben, si vous êtes allé le 10 septembre, c'est la journée, c'était la journée, mettons qu'on est dans le futur, c'était la journée, la journée où est-ce que les randonnées de la CEPAC sont gratuites. Fait que si vous voulez, si vous avez profité de cette opportunité pour aller au Mont du Lac des Cygnes, vraiment, vous n'avez pas regretté. Là, Guillaume, donner des faux espoirs comme ça aux gens, là, c'est pas cool! Bien, en plus, ce qui était vraiment cool, on était à Baie-Saint-Paul, fait qu'on est arrêté, après ça, en redescendant, dans une fromagerie, qui est en fait la fromagerie de l'économusée du fromage. Puis c'était tellement cool, parce que... Il y a d'autres économusées que l'économusée de l'abeille? Oui. Je savais pas, je pensais que c'était un terme spécifique au musée de l'abeille. Ben non. Fait que t'en on en apprend des choses aujourd'hui, hein. Fait que on a acheté du fromage à fondu, on a acheté du fromage en crotte puis du fromage d'Orémy, fait que je vais profiter de mon fromage. Ah oui, es-tu déjà tout mangé? Non, il m'en reste encore là. Il reste du plaisir à fromager. Il reste encore beaucoup de plaisir. Je sais que t'aimes pas le fromage. Non, moi j'aime pas ça, mais... Mais moi j'aime ça particulièrement. Je peux comprendre. T'sais, si je compare le fromage à quelque chose que j'aime, ben, je peux imaginer votre bonheur à manger quelque chose que t'aimes. Ouais, admettons qu'on était arrêté à l'économiser de la saucisse. T'aurais été vraiment heureux. Moi j'aurais compris ton plaisir. Hey, avant de se quitter, pour passer à une autre activité... Moi, j'aimerais ça faire un petit shout-out et un gros merci à Puissance Maximale d'avoir accepté notre petite maison puis notre petite podcast du 17 Avenue des Pins sur ses ondes. On est très heureux de faire partie de la gang. Tellement Puissance Maximale, on est tellement content de pouvoir collaborer avec vous autres puis de vous offrir ce qu'on peut vous offrir puis de recevoir ce que vous êtes en mesure de nous donner aussi. C'est vraiment une belle opportunité que vous nous offrez puis on embarque là-dedans à 100%. On est tellement heureux de votre grandeur de cœur. Merci du fond du cœur. Oh oui, un gros merci. Puis vous passerez là, toute la gang dans notre petite maison de campagne. Ah oui, viendrez visiter ça. C'est vraiment beau au 17 Avenue des Pins. On n'est pas sorteux. C'est alors avec cet esprit de collaboration que Maxime invite Guillaume à participer au rituel de la boule d'énergie. C'est excellent, tu lèves les bras, puis là, tu devrais sentir une chaleur à l'intérieur de toi. Ben j'ai un peu chaud, effectivement. Ben oui, c'est ton énergie qui s'en va, puis qui s'en va se donner tout dans Dragon Ball. Ouf, hey, c'est... San Goku va tout recevoir ton énergie, puis va pouvoir sauver la race humaine. C'est intense. C'est intense, Dragon Ball, ok? C'est pas juste des dessins animés, puis des mangas, hein. Ok, je peux-tu baisser mes bras maintenant? Y a-tu eu mon énergie, ou... Oui, je pense qu'il y a eu ton énergie. Ok, c'est beau. C'est juste en prévention qu'il nous demande de le faire, là, je voulais être sûr que tu sois prêt. Ok. Parce que je voulais te présenter la nouvelle série Dragon Ball, Dragon Ball Super. Oh wow, ben j'en apprends vraiment beaucoup de toi, continue. Ben oui, fait que t'as pas écouté ça pantoute depuis non, que c'est sorti. Non, pas du tout, moi j'ai écouté, je t'ai dit, j'ai terminé la saga de Boo dans Dragon Ball Z, puis après ça, ben j'ai comme décroché, là. Pour aller dans d'autres lieux et dans d'autres avenues. Ben, en même temps, ça faisait vraiment longtemps qu'il avait pas continué l'animé. Là. Il y avait GT, là, mettons. Non, là, il avait pas GT. Il y avait pas GT. Ça faisait comme, je pense, ça faisait 20 ans qu'il n'y avait pas eu de nouvel épisode de Dragon Ball. Ouais, quand même. Puis pas de nouveau film canon non plus. Okay. Pour ceux qui ne comprennent pas le concept de canon, le canon, c'est tout ce qui existe à l'intérieur d'une histoire qui est considérée vraie. Donc, si moi, je fais un dessin de Mario, que Mario a pas de moustache, mais ça fait pas partie du canon, parce que Mario a toujours une moustache. Ouais, nécessairement, sauf quand il est bébé, mais... Ouais, c'est ça, mais ça, c'est bébé Mario, ouais, c'est pas Mario. Ouais, c'est pas pareil. Bon, fait que maintenant qu'on a compris le concept du canon, il y a 2 ans, je pense, ils ont sorti Dragon Ball Battle of Gods, où est-ce que il y a le dieu de la mort qui arrive sur Terre, puis que San Goku décide de se battre contre lui, parce qu'il est supposément le Saiyan légendaire. OK. Puis là, ils font un rituel, puis là, San Goku se transforme en Super Saiyan God, okay. Donc Super Saiyajin Dieu. OK. Puis il réussit à se battre contre le gros méchant qui a une face de chat, un peu comme dans la mythologie égyptienne. Ok, c'est un peu comme Anubis, si on veut. Exactement, mais il est mauve. Ok. Puis là, il se battait juste à 80%, puis il démolissait Goku avec son nouveau ki de dieu. C'est une machine, ce gars-là. Ben, quand c'est dur de boxer avec Dieu, là. Oh ouais, c'est un... C'est pas Dieu, c'est un Dieu, là. Dans l'univers de Dragon Ball... Ok, dans l'univers de Dragon Ball, c'est polythéiste. Non, c'est ça. Mais un, oui, mais deux, c'est pas une entité en tant que telle. N'importe qui, parce que lui, il peut mourir, puis quelqu'un d'autre peut prendre. C'est plus un poste. Ok, c'est comme si c'était le gouverneur général de l'univers. Oui, mais il y a aussi un ki spécial, une énergie spéciale qui est divine. Okay. Qui peut être gagné aussi en fonction des races, comme le Super Saiyan, il a réussi à développer le ki de Dieu à l'intérieur de lui. Ben, techniquement, si le Dieu de la mort mourait, ben Goku pourrait le remplacer comme Dieu de la mort. Ok, c'est bon. Là, je te suis. Ok, je te suis. C'est bon. Ben, ça se passe, je pense, c'est 4 ans après la fin de la saga de Boo. C'est rien passé depuis ce temps-là. Puis, ben là, il y a eu ce film-là. Ben, ça, il y a eu un autre film où c'est que Frieza revient. Les méchants, encore? Les méchants viennent sur Terre, pognent les Dragon Ball, le font revivre. Là, il est en plein de petits morceaux, parce que c'est comme sa capacité à Frieza de rester vivant, même s'il est découpé en petits morceaux pour un certain temps. Ils doivent rebâtir Frieza à partir des petits morceaux. Ouais, genre, c'est comme un corset 3D, mais il sac dans une voûte, puis là, il guérit, là, c'est vraiment bizarre. Fait que c'est le Frieza du Millennium. Oui, exactement. Ah, c'est malade. Il revient du Royaume des Ombres. Fait que là, il revient, pis là, il est comme « Ah, je vais tuer ces putains de Saiyan, j'ai jamais eu à m'entraîner dans ma vie. » Pis là, il s'entraîne genre une semaine, pis il dépasse toutes les années d'entraînement des Saiyan, il les dépasse. Ah! De même. Quand pis là, même. Il lui aussi s'est découvert une nouvelle transformation, c'est le Super Frieza doré. Ok. Donc, Golden Frieza. Ok. Mais finalement, la nouvelle transformation de Goku et Vegeta, qu'on n'a pas vu comment est-ce qu'ils l'ont acquis. En fait, quand il était Super Saiyan God, Sengoku est juste resté Super Saiyan God pendant à peu près 20 minutes. Okay. Il s'est battu, puis après ça, il a comme perdu ça, mais il a gardé son ki de Dieu. Sa transformation, c'était lui comme un Super Saiyan normal, très mince, puis les cheveux rouges, puis une aura rouge. Okay. Mais là, après ça, avec l'entraînement, ils ont réussi à atteindre ce niveau-là naturellement, sans avoir de limite de temps. Puis là, c'est le Super Saiyan Blue. Mm-hmm. Fait qu'au lieu de donner un numéro, une caractéristique, à ça c'est une couleur. Fait que là c'est le Super Saiyan Blue. Okay. Puis lui et Vegeta sont capables de le transformer. Puis celui-là, il démolit Frieza. Genre c'est épouvantable. Frieza peut rien faire. Ok. Il y a comme zéro danger dans le film. Il y a juste Goku qui peut faire ça? Non, Goku et Vegeta. Vegeta aussi, ok. Ouais, c'est ça. Bon. Fait que Vegeta c'est comme un autre Saiyan de la légende. Ouais, mais à base, il y en avait juste un Saiyan légendaire qui était le Super Saiyan, à la base. Ok, là. Fait que là, il y en a plusieurs. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, mais ils sont tous Super Saiyan, genre. Oui, c'est ça. Bah, c'est curieux. C'est assez curieux. Mais en tant que tel, il y avait probablement deux Super Saiyan, puis le Super Saiyan, c'était héréditaire, j'imagine. T'aurais-tu vu ça, ces cheveux-là, dans les airs? Ça aurait été incroyable. Ça aurait été fou, bref. Mais tout ça pour amener au point que, là, ils ont fait une série... qui passe à toutes les semaines. Puis le début de la série était pas très bon parce que c'était juste ils ont refait les deux films là que je viens de dire, ouais. Retour de Frieza puis Battle of Gods, ils l'ont fait dans la série. Fait que ces épisodes là servaient à rien parce qu'on avait tout déjà vu nécessairement. Là après ça ils ont fait une saga. Ça c'était juste pour rendre les films canon. Non, parce que les films étaient déjà canon à la base. Okay. Mais là finalement la série est comme plus canon que les films, il y a pas grande différence entre les deux. C'est bon. Là, après ça, ils ont fait une saga tournoi où est-ce qu'ils affrontent quelqu'un de leur univers miroir. Ok. Je m'étendrai pas là-dessus aujourd'hui. C'était quand même bien, mais c'était pas encore excellent. Ok. Là, après ça, il y avait un petit filler de quelques épisodes où c'est que Goku se bat contre de la gelée en forme de Vegeta parce que Vegeta est en train de disparaître. Ça aussi, c'est un peu bizarre. Je m'étendrai pas là-dessus. En fait, ce que je veux te parler aujourd'hui, c'est la dernière saga. Qui est encore en cours, puis qui est vraiment la meilleure saga de Dragon Ball depuis genre Cell. Ok, mais dans le fond, là, t'es rendu à combien d'épisodes à peu près là, 56. Ok, c'est beau. Je voulais savoir parce que moi, je savais pas s'il y avait beaucoup ou peu d'épisodes. Fait que là, ce que tu me dis, il y a quand même pas mal d'épisodes. Il y a à peu près 15 épisodes par saga. Ok, puis là, mais c'est très raisonnable. Ouais, c'est très raisonnable. Peut-être plus 18, mais en tout cas, c'est très raisonnable. C'est en bas de 20. Ok. Fait que si je voulais me lancer, ça serait très accessible. Oui, puis tu pourrais commencer directement au tournoi. Parce que tu pourrais écouter les deux films si tu les as pas écoutés. Commencer directement à l'épisode genre 30 ou 34. Puis écouter le tournoi, puis après ça, écouter la nouvelle saga qui est vraiment bonne. Puis la gelée Vegeta aussi. Ok. Bien reçu. Bon, super. Là, dans la nouvelle, saga, t'as Trunks du futur qui revient dans le passé, parce qu'il y a encore un méchant qui a tout tué, puis là, il a tué sa nouvelle blonde, puis il a tué Bulma, puis là, ça va vraiment, vraiment pas bien. Ça va encore moins bien que quand il y avait des androïdes, là. Quand même. Fait que là, Trunks, il vient dans le passé pour aller chercher Goku puis Vegeta, puis là, Goku et Vegeta, ils ont leur nouvelle transformation, puis là, Trunks, c'est comme, ah, what the fuck, il est trop fort! Mais il capote un peu au début, parce que le nouveau méchant, il est pareil comme Goku. Okay. Mais il est complètement, il a la peau pâle, les cheveux noirs, puis un habit noir, puis une ceinture rouge. Ok. Il l'appelle Goku Black. Ok. Que c'est pas très original, mais il y a vraiment de la gueule. Il aurait pu l'appeler Blacku. Blacku? En fait, le nom non officiel de la saga, c'est A Black to the Future. Oh! Ce que je trouve vraiment excellent comme petit jeu de mots. Fait que là, finalement, Black, il est comme en connexion avec un autre dieu. Je veux pas voler tous les spoilers, là, mais c'est ça. Il est comme en connexion avec un autre dieu qui vient d'un autre univers encore. En tout, il y a 12 univers. Ok. Okay. Puis okay. Là, lui, il vient de l'univers 10. Ok. Nous, on est dans l'univers 7. Les joueurs de Mario 64 seraient très contents. Panenkoek! J'entends qu'un Panenkoek. Va falloir qu'on parle de Panenkoek à un moment donné. Ouais, vraiment. Restez à l'affût, on va parler de Panenkoek, vous allez capoter. Ouais. Mais là, fait que là, finalement, ils vont voir l'autre dieu, ils se rendent compte que l'autre dieu a quand même un ki similaire au Black Goku, qui lui peut juste revenir dans le passé comme 5 minutes. Fait que là, il est revenu dans le futur, et il a détruit la machine à voyager dans le temps, puis là, finalement, l'autre dieu, c'est pas Goku. Fait que là, ils reviennent, puis là, ils réparent la machine, ils retournent dans le futur pour se battre contre Black Goku. Ok. Ok, jusque-là, c'est correct. Ça culmine vers le point où ouais, c'est juste parler, puis que je trouve tellement drôle. Ok. Fait que là, Vegeta se bat contre Black Goku. La première fois, c'était Goku qui s'était battu contre Black Goku, puis le Black Goku. Il a eu de la misère, mais il est fort. Puis à chaque fois qu'il mange des coups, il absorbe, tu sais, il absorbe comme de l'énergie. Puis il apprend un peu la technique des gens. Là. Fait que c'est un Saiyan. Et c'est pas supposé être un Saiyan. Non. Parce qu'il traite toutes les autres races comme ah, vous êtes inférieurs, vous êtes des humains. T'sais, humains, dans le sens qu'ils sont pas des dieux. Là. Ok. Fait que vous êtes juste des humains. Fait que je pense pas, mais on sait pas encore c'est quoi, là. C'est encore un mystère, il y a vraiment beaucoup de théories. Mais là, et ils vont dans le futur, Vegeta se bat contre lui, puis là, Black Goku se transforme en Super Saiyan Rosé. C'est vrai? C'est Rosé Pamplemousse! Oui. C'est un nom de pâte! Cette transformation, c'est un nom de pâte! Je trouve ça tellement drôle. Mais c'est à cause que le rosé, c'est la couleur complémentaire du bleu, du Super Saiyan Blue. Ok. Fait que là, il devient avec les cheveux rosés, Nora rosé, puis il peut tout culminer son ki en une genre de lame autour de sa main d'énergie. Puis là, il a transpercé Vegeta en deux. Chla! Le Vegeta, il est potentiellement mort. Ok. Fait que dans le fond, si on veut, Dragon Ball, c'est un peu rendu comme une chambre pour bébé, là. Tu sais, du rosé, du petit bleu. Oui, mais c'est pas une fille. C'est pas une fille, ok, c'est beau. Fait que finalement, Dragon Ball Super, si vous voulez écouter ça, écoutez pas le début, écoutez les films, puis commencez vraiment la saga du tournoi. Puis là, c'est rendu vraiment intense. Il y a plein de théories, puis on a aucune idée, là, c'est quoi qui se passe, c'est qui Black Goku, c'est-tu un Goku revivu, mais pourtant, il y a une boucle d'oreille de dieu. Okay. Il y a un Potara. Fait que, c'est-tu un dieu? C'est-tu Goku mort qu'il y a eu une boucle d'oreille? Fait que là, on est complètement fucké, puis ben, on s'amuse parce qu'à cette heure, les Super Saiyan, c'est juste des couleurs, pis c'est vraiment drôle. Est-ce qu'il y a comme des gageurs pour deviner c'est quoi la prochaine couleur de Super Saiyan? Ben, le monde sont comme, mon dieu, c'est quoi à cette heure? Ça va être les Super Saiyan Rainbow. Il y a même quelqu'un qui a mis les faces de plein de Super Saiyan différents sur les têtes des Power Rangers. Des Power Rangers. Il y a toutes les couleurs. Broly est vert, Super Saiyan qui est jaune, il y a Mystic Gohan qui est noir, Super Saiyan Blue qui est bleu, God Goku, Super Saiyan God qui est rouge, puis là on a le rose. Le rosé. Fait qu'il y a toutes les couleurs. Oh wow, mais vraiment Dragon Ball c'est super. C'est super comme jeu de mots. Sur ce jeu de mots aussi pitoyable que triste, Guillaume se rappelle que de ses amours de jeunesse est mort récemment. Il décide alors de lui organiser un dernier hommage. Nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer un grand de la musique. Ce n'est plus un secret pour personne. Tu vas sur le respirateur depuis bien trop longtemps. Il fallait nous rendre à l'évidence. C'est le 26 août 2016 au scanner que tu as poussé ton dernier souffle. On se rappelle tous les nouvelles de Daft Punk qui donnèrent espoir en ton rétablissement, mais ce ne fut qu'illusion et déception. L'histoire d'une nuit de chance. Quelques années plus tard, l'on retrouvait les vestiges de ce qu'avait été jadis le plus grand compagnon de danse de mes parents. On croyait même, à l'époque, que tu vivrais éternellement sur Terre. Ce n'était que du vent. Malgré cette confirmation de ton décès, bon nombre d'individus se refuseront une telle nouvelle et te diront bien vivant. Ce n'est pas étonnant. Ils t'aiment tant. On t'aime! Ils peuvent s'empêcher de vibrer au son de ton synthétiseur. Peut-être même certains diront que tu vis sur une île déserte en compagnie d'Elvis Presley et de Michael Jackson. Mais n'allez pas croire de tels mensonges. Le seul endroit où tu vivras encore vraiment, c'est dans notre cœur à tous. Ta vie aura été mémorable. Mais on ne peut rester accroché à ce mince souvenir. Il faut marcher de l'avant. C'est dans le regret que je te dis au revoir pour la dernière fois, mon ami. Repose en paix, Disco. J'ai toujours été un grand fan de ce que tu faisais. Écoute, même dans Simpsons, Disco Stu a toujours été mon personnage préféré. Tu vibrais pas comme les autres. Tu bougeais pas comme les autres. Puis tu sonnais pas comme les autres. T'étais différent. Puis tu venais me rejoindre. Je vais toujours garder ma coupe afro puis mes pattes d'éléphant. Puis je vais toujours avoir des petites soirées avec des petites chansons. Des classiques. Parce qu'on le dit, les classiques, ça se démode pas. Hey, t'es peut-être mort. Mais il y a encore, tu vas continuer à jouer. Puis on va se souvenir du temps que t'étais vivant. C'est pas parce que toutes les autres grands de la musique qui sont là pis qui font bouger les jeunes différemment avec leur tectonique que toi, tu peux pas continuer de me faire bouger les doigts devant les yeux en signe de V. Shout out. C'est Jerry qui le disait, toujours vivant. D'ailleurs, on va se laisser, groupe, sur Rester vivant. Par les abeilles et bien. Parce que c'est notre soi le plus cher que tu restes vivant. Merci Longueuil. Ben tu peux le dire par la façon dont j'utilise ma marche, un homme de madame, pas le temps de jaser. Musique forte et les femmes chaudes, je me suis fait botter depuis que je suis né. Là c'est correct, c'est ok, tu peux regarder de l'autre côté. Essayons donc de comprendre l'effet du New York Times sur l'homme. Comment tu serais un frère ou bien tu serais une mère, tu vas rester vivant, sans la vie se briser, tout le monde se brasser. On va rester vivant, ha ha ha ha, rester vivant, ha ha ha ha. Restez vivant. Bien maintenant. Maintenant je me rends bas fois que je me rends au piscis, ni l'un ni l'autre, j'essaie bien fort. J'ai les ailes du paradis sous mes souliers, j'étais un homme qui danse, j'peux juste pas perdre. Pis là c'est correct, c'est ok, j'vivrai pour voir une autre journée. Essayons donc de comprendre l'effet du New York Times sur l'homme. Comment tu serais un frère ou ben tu serais une mère, tu vas rester vivant, sans la ville se briser, tout le monde se brasser, on va rester vivant, rester vivant. Ha, ha, ha, ha, restez vivant, restez vivant. Ha, ha, ha, ha, restez vivant. Ha, ha. Quoi de mieux pour rester vivant que le capitalisme? Nous retrouvons les frangins après plusieurs tours de Monopoly, alors que Maxime tombe sur le terrain le plus garni de Guillaume. Ok, fait que là j'ai trois hôtels, tu me dois mon doux 1947$. Tu peux toujours hypothéquer ton terrain là, mais... What the fuck Guillaume? Tu joues n'importe comment, ok? Monopoly là, il y a un set de règles précis. Puis je vais aller voir sur internet là, puis on va se le dire là, c'est quoi les vraies règles du Monopoly là. Ben non, c'est ça les règles là, t'arrives sur mon terrain, j'ai des hôtels, puis je mets des hôtels, si j'ai de l'argent. C'est impossible que le jeu ne laisserait donner 1900$ à un autre joueur. Ben oui, correct, on est au quatrième tour Maxime, c'est normal. C'est beaucoup trop, Guillaume, ok? Là, c'est comme quand tu joues au trou de cul avec d'autres mondes là. Ah ouais là, le président il peut échanger 8 cartes avec le trou de cul. Non, pas 8, c'est 14. Là, j'haïs ça, ok? Faut tout le temps suivre les vraies règles. Fait que là, je vais aller sur le site, je vais te poser des questions, puis on va voir si tu sais vraiment les vraies règles ou non. Je les sais, mais en tout cas, vas-y pareil, là. De toute façon, moi je sais que je les sais. Bon. Est-il possible que la banque nous fasse crédit? La banque nous fasse crédit? Moi, je pense que c'est impossible. Moi, ça m'est jamais arrivé. C'est une bonne réponse. Ok. Tu commences bien. Ouf. La banque ne fait jamais crédit. Ok, la même pas dans la caisse commune? La banque ne prête jamais d'argent sauf sur hypothèque. Ok. S'il ne peut pas payer un créancier ou la banque, un joueur qui veut s'acquitter de ses dettes doit hypothéquer un terrain ou vendre ses maisons. Ok. Hey, Caroline, ça part bien. S'il peut pas, ben c'est faillite, c'est perdu. C'est ça le but du jeu. Faire le monopole puis amener les autres à la faillite. Ben c'est parce qu'en tant que tel, tu pourrais jamais perdre. La partie terminerait jamais, là. Puis le nombre de parties que j'ai terminées de Monopoly, tu sais, je veux dire... Je peux les compter sur le nombre de mes pouces. Ouais. Bon, ok. Souvent, c'est parce que je faisais la banque. Mais continue. Ok, tu pars bien, mais ça va se corser, je suis pas mal sûr. Ok. Que se passe-t-il lorsqu'on arrive sur la case parc gratuit? Parc gratuit? Mais ça, je l'avais déjà entendu parler. Normalement, par chez nous, ce qu'on fait, c'est que quand t'arrives sur parc gratuit, tu ramasses la cagnotte au centre. Mais il me semble que c'est pas vrai. C'est une autre bonne réponse, tu commences à m'énerver. Un joueur qui doit s'acquitter d'un impôt, d'une taxe, d'une amende ou de frais divers verse la somme à la banque. Les billets sont posés directement à la banque, il n'y a pas de pactole au centre. Et lorsque nous arrivons sur la case parc gratuit, il ne se passe rien. C'est juste une case où il se passe rien. Ok, hey boy. Ben, tu sais, je pense que c'est un règlement maison, mais je pense pas que je suis le seul qui fait ça. Ok, une autre règle, Guillaume. Ouais. À quel moment peut-on commencer à acheter des terrains? Quand t'arrives dessus. Dès le premier tour? Dès le premier tour. Une autre bonne réponse, commence à croire que t'es un peu fort au Monopoly. Le jeu commence dès le premier lancer de dés. On peut donc commencer tout de suite à acheter des terrains, mais aussi à payer des taxes, des impôts, recevoir les loyers ou un cadeau. Donc, si tu roules 3, que tu tombes sur l'avenue dont je ne sais pas le nom, que t'achètes le terrain, puis que moi je tombe dessus, ben faut tout de suite que je commence à te payer. Ok, et Colin, une chance que t'as un prêt de 1500$ en partant. Une chance. Il y a plusieurs personnes qui pensent qu'il faut faire un tour complet de la piste avant de commencer à acheter des terrains. Hein, oui. Hey boy, tu pourrais jamais finir une game. C'est un autre mythe. Ah ben. Qu'est-ce qui arrive quand on tombe pile sur la case départ? J'en ai aucune idée. Est-ce que tu reçois le double? Ben, par chez nous, oui. C'est faux! C'est faux! Je t'ai enfin eu une règle que tu ne connaissais pas. Lorsque tu passes ou t'arrêtes sur la case départ, tu gagnes la somme qui est écrite dessus. Il n'y a rien de spécial qui se passe si tu arrives directement sur la case départ. Ah, ok. C'est un autre mythe. Ah, mais c'est quand même incroyable. Ok. On a toujours fait ça, donner 400 au lieu de 200. Eh oui, mais c'est toutes des règles pour rendre ça plus facile, puis ça fait que ça brise l'équilibre du jeu, Guillaume. Je comprends. C'est parce qu'on était des enfants. À quel moment peut-on acheter une maison pour ses terrains? Un coup que t'as... Ben, dans le fond, il faut que t'ailles acheter le terrain, que tu retombes sur ton terrain. Est-ce que toutes les... Mais est-ce que on peut le faire quand il reste des terrains invendus? Ouais. Cette partie, c'est vrai. Par contre... Tu peux acheter des maisons n'importe quand. C'est vrai? Dès qu'un joueur possède la totalité des cartes d'une même couleur, il peut acheter une ou plusieurs maisons. Un joueur peut acheter une maison même si ce n'est pas son tour de jouer. En revanche, il ne peut pas poser une maison entre un lancer de dés et l'arrivée du pion sur la case. Oh, ok. Il revient au banquier de gérer la fois... de gérer à la fois l'achat des maisons et les autres éventuelles opérations concernant la banque. Ok, fait qu'acheter une maison, c'est pas un instant. C'est comme une sorcery, mais... C'est une sorcery à n'importe quel tour. Ok, c'est beau, je comprends. Fait que c'est quand même important, mais faut avoir tous les terrains d'une même couleur. Ah, je pensais qu'il fallait être absolument sur le terrain pour acheter la maison. Et mon dieu, un autre manière que tu jouais mal. Ben oui. T'es pas si hot que ça, non, Guillaume. Non, pas si hot que ça, en Monopoly. À quel moment peut-on procéder à des échanges? Moi, j'aurais dit entre chaque lancer de dés, là. À partir de quel moment dans la partie? Moi, j'aurais dit n'importe quand. Là. Quand tous les terrains sont vendus, tu vas me dire? Eh oui, quand tous les terrains sont vendus, on peut commencer à échanger avec ou sans compensation. Donc, on peut inclure de l'argent là-dedans, il n'y a pas de problème. Puis, tu peux faire ça n'importe quand, il n'y a aucune autre restriction. Ok, fait que tu peux échanger entre un lancer de dés et le mouvement du pion, mettons. Oui. Ok. Ah, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qui arrive si je tombe sur ton terrain pendant que tu es en prison? Tu me payes pas. Exactement. Lorsqu'on est en prison, on peut pas se faire payer notre loyer parce qu'on est un criminel. Ben, c'est normal. Ouais, ok. C'est logique, c'est logique. Okay. Hey, celle-là est compliquée, cette règle-là. Ok. J'ai jamais entendu ça, puis je comprends rien. Ok. Une fois que tu t'es libéré de prison, il y a comme une règle qui dit que tu pouvais rester sur la case prison. Je comprends pas, fait qu'on va skipper cette règle-là. Je sais pas qui utilise cette règle-là, en fait. L'autre règle, c'était le parc gratuit, on en a déjà parlé. C'est comme deux règles différentes. Okay. On met jamais d'argent dans le centre, puis la case gratuite, elle fait pas gagner rien. Ok, c'est bon. Qu'est-ce qui arrive si il y a plus de maison dans la banque, puis que moi je veux m'acheter une autre maison? Tu te fabriques une maison dans un bout de bois, je sais pas. Fausse règle. Si on veut mettre une maison sur un terrain, mais qu'il n'y en a pas dans la boîte, on utilise un petit objet quelconque ou un papier signifiant maison. C'est faux. Le nombre de maisons est immuable. Ok. Le gars qui a inventé Monopoly s'est dit c'est le nombre de maisons maximal qu'on peut mettre sur tout le board. Fait qu'en ajouter, ça brise l'équilibre du jeu encore une fois, Guillaume. C'est quoi l'idée aussi de rajouter des pions? Hein? T'as-tu déjà joué aux échecs, t'as dit « Hey, il me semble que ça manque de pions » pis t'en as rajouté? Ben, des fois oui, si j'ai perdu une pièce. Ben t'en as pas rajouté, t'as juste réparé, c'est pas pareil. Ok. Et mon dieu, je vais juste lire ça, ça sera pas très long, Guillaume. Ouais, est-ce que tu penses que c'est notre dernière règle de Monopoly? Parce que ça fait quand même plusieurs règles qu'on lit. Ben non, il en reste deux. Deux? Ok, c'est bon, c'est important. C'est vraiment important de suivre ça. Quel est le nombre maximal de maisons et d'hôtels qu'on peut mettre sur une propriété? Ben, moi, dans mes souvenirs, c'était quelque chose comme 3 ou 4 maisons puis un hôtel. Mais je vais dire 4 maisons puis un hôtel. Mais je suis pas certain. Est-ce qu'on peut mettre des hôtels et des maisons en même temps? En même temps? Il me semble que tu mets tes maisons, puis une fois que tu as tes maisons, tu peux mettre un hôtel, mais je sais pas si tu... Je pense que tu laisses tes maisons là, ouais. Eh bien non, mais tu m'impressionnes quand même, c'est exactement 4 maisons par terrain, et ben, c'est écrit par rue. Okay. Okay. Fait que je sais pas si une rue, c'est-tu un ensemble de couleurs ou c'est un terrain? Je pense que c'est un terrain. Ouais, je pense que c'est un terrain parce que, mettons, l'avenue des... Ouais, la promenade, ouais. Fait que tu peux construire jusqu'à 4 maisons par rue ou un hôtel. Puis quand tu construis l'hôtel, t'enlèves les maisons. Mais tu okay. pourrais pas être aussi, assez riche puis dire, ah, je mets 4 hôtels puis tu fais 4 fois le coût de non, l'hôtel. Non, non, c'est ça. L'hôtel, je me souvenais que c'était juste un. Les maisons, je savais pas si tu les laissais là ou si tu les enlevais. À cause de la règle que tu m'as dit précédemment, là, qu'on avait un nombre limité de maisons puis qu'on ne devait pas le dépasser. Fait que j'ai hésité puis j'ai opté pour la mauvaise réponse. Aha! Mais c'est quand même très fort. La dernière règle, je pense que tu vas l'avoir toi aussi parce que t'es quand même fort. Ouais. Lorsque tu fais un double, ouais. est-ce que tu rejoues avant ou après avoir fait les actions de la case sur laquelle t'es tombé? Ben après. Exactement. Je sais pas. Apparemment, il y a des gens qui font que ils tombent sur une case, ils rejouent, ils arrivent sur l'autre case, puis après ça, ils peuvent faire les actions des deux cases. Ben non, c'est pas logique. Moi, je trouve ça pas ça logique. Bon, fait que comme t'as dit au début, t'avais 4 hôtels sur ton terrain. Fait que t'as triché, mon cher. Va falloir commencer la game de Monopoly. Non, j'ai pas triché. Comment je dirais bien ça? Je me suis arrangé pour tirer le meilleur de ce qui m'était offert. Tiens, v'là ton plateau. Mais là, t'as tout brisé le jeu! Va à terre pis ramasse ça, c'est pour m'avoir demandé de donner quasiment 2000$. Après avoir ramassé l'argent et les pions par terre, Guillaume se rend compte que cette chicane est la cause de leur estomac vide. Ils se mettent donc au fourneau pour concocter de quoi apaiser leur âme bouillante. Fait que t'as juste à couper ton oignon. Hey, ça sont quand même gros ceux que t'as pris, hein? Eh ben, c'est tout ce qu'il y avait chez Metro. Ah ben, savais-tu que t'étais en train de couper sur une planche à découper que j'ai fait moi-même dans un cours d'ébénisterie? Hein? Cours d'ébénisterie? Mais c'est c'était un cours de présentation. On avait pris ça avant d'acheter la maison, en fait. Ils montraient un peu comment faire plein de petites réparations. Au début, c'était un cours pour les femmes. Mais c'était la première année qu'il y avait plus d'hommes que de femmes. What? Ouais, à base, c'était le cours de réparation 101 pour les femmes, parce que les hommes, ils savent déjà comment ça marche. Mais c'est drôle. Mais il y avait plein de nouveaux acheteurs qui prenaient ça, genre, pour être sûr de bien faire ça. Ben oui, ben je comprends. C'était bien. C'était quand bien. Ça durait combien de temps comme cours? C'était tous les samedis pendant 6 semaines, si je me trompe pas. Okay. Ça, l'année passée, je pense que j'étais effectivement un cours ce samedi-ci l'année passée. Ok. Ah ben quand même. Fait qu'on fait des rondelles avec les oignons. Ah c'est quand plus facile. J'ai fait des demi-rondelles pour ma part. J'aimais mieux couper l'oignon en deux, ça me donne plus de marge de manœuvre. Ce qu'on concocte, Maxime, aujourd'hui, c'est une salade de betteraves, oignons rouges et fèves vertes. Qu'est-ce qui t'a inspiré à faire cette recette-là? Ben, je dois donner un shout-out à recettedegeek.fr qui m'a inspiré cette recette qui nous vient tout droit du banquet nuptial de Game of Thrones. Non, pour vrai? Oui, je te jure. Je peux même te lire le passage parce qu'il est écrit dans la recette. Ben, lis-moi ça. Je peux te lire le passage dans Game of Thrones. Ça y va comme suit. Entamé sur un vague bouillon de poireaux, le banquet nuptial s'était poursuivi sur une salade de haricots verts, betteraves, oignons, sur du brochet poché au lait d'amande, puis sur des patates, des platés de purée de navets refroidis. Dès avant d'atteindre la table, des cervelles de veau en gelée et une lichette de bœuf filandreux. Ah, fait qu'on mange comme des Stark. Exactement. Fait que là, moi les oignons, je suis très peu résistant aux oignons, je suis en train de pleurer présentement. Ils ont tué le chien! C'est pas si triste que ça, tu sais, je veux dire, les légumes, ils sont pas nécessairement vivants. C'est ça le truc, là, faut pas s'attacher émotionnellement avec les oignons. Hein. Ouais, je sais, mais j'ai bien de la misère. Ça me fait de la peine tous les jours, là. Ah oui. Ah zut. Je vais déposer mes rondelles dans l'huile chaude. Oui, tu peux faire ça. La recette va être mise sur notre page Facebook. Oui, on va prendre des photos de ce que ça donne. Oui, on va goûter à ça. C'est un mélange qui... Hey, fallait séparer les rondelles, mon ami. Oh bon Dieu, est-ce que je suis capable de séparer pendant que c'est sur le chaud? Sûrement avec une cuillère en bois, ou une fourchette en bois, ou un couteau en bois. Hey, j'ai des instruments en bois en ce moment. Je pleure vraiment beaucoup en ce moment, Maxime. Parce que quand j'étais jeune, Maxime... Explique-moi ça. Je suis en randonnée en forêt. On est tombé sur un jardin. là dans le jardin. Des oignons. Pas encore l'histoire des oignons dans le jardin. J'étais avec mon grand-papa. Pis là... Ah, mais c'est juste pas le fun. Là... J'étais mon grand-papa... En pleurant. Elle va en avoir un 5 sirop des oignons. Oh mon dieu. Ah. Toi aussi tu pleures. Je t'en souviens. Parce que grand-papa, il s'est fait avoir par les oignons. Les oignons l'ont emporté. Ah, ça fait penser à une fois d'être... Parce que moi j'aime pas le fromage. Hein. Il va rajouter mes oignons. Ben, rajoute les on oignons. On va en avoir un tabarnage des oignons. Je prends une photo pour la page Facebook, c'est ridicule. La recette dit deux oignons rouges, j'y crois pas. On nous a menti. Shooter! Hey, parlant de shooter, j'ai acheté du gin l'autre jour parce que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas mangé, j'avais pas bu des gin tonic. Ouais. Il est vraiment pas très bon mon gin. Non. Non. Comment ça? Ah ben, veux-tu goûter? Ben j'aimerais ça. Hey, on va goûter du gin. S'il te plaît. Youhou! Aïe. Je trouve pas mes verres à shooter, fait qu'on va se faire des expressions. Des expressions. Ah là là, je vais vous lire la recette pendant ce temps-là. Préparation. Couper et laver les betteraves et faire bouillir pendant 30 minutes ou jusqu'à tendreté. C'est déjà fait, il était scellé sous vide. Et dans un pot maçon. Plongez-les dans l'eau froide et dépouillez-les de leur peau. Mettez de côté et laissez refroidir complètement. Coupez les oignons en rondelles et séparez-les. Versez une cuillère à soupe d'huile d'olive dans une casserole à feu moyen. On a pris un wok. Ajoutez les oignons et faites cuire jusqu'à tendreté en les retirant avant qu'ils perdent leur couleur vive. Remplacez les oignons avec les haricots verts et faites-les cuire jusqu'à tendreté. Coupez les betteraves en grands disques, alternez les couches de betteraves et d'oignons et saupoudrez avec les haricots verts. Versez le vinaigre et l'huile d'olive, salez et poivrez au goût. Santé mon ami! Santé! Vois-tu, il est très ordinaire, hein? Ouais, il est comme... T'as plus de goût que ça d'habitude un gin. C'est comme fade. Ben c'est un peu fade pis... Ouais t'as raison, c'est un peu fade effectivement. Bon, ben là je vais aller rajouter tous ces haricots là. Coupes-tu quelque chose? Moi de ce que j'ai lu, il fallait que t'enlèves les oignons pis tu mettes les haricots à la place. Mais tu peux les rajouter au pire là. On va y rajouter. Ah attends, on fait notre propre recette. Est-ce que j'ai coupé en deux avec mes mains? T'as pas besoin de les couper. Ou entier. Tu peux rajouter peut-être un peu d'huile. Ah, voudrais-tu faire ça à ma place? Ben, je vais faire ça pour toi, oui. Ok. Aïe, aïe, aïe. C'est de l'huile biologique? Oui, c'est de l'huile d'olive biologique extra vierge. Ok. Donc, on pourrait l'appeler aussi Félix. Oh! Parce qu'il est biologique. Ok, ça se parce qu'il est biologique. C'est drôle, toi. Merci. Ok, allez, on va prendre une autre petite photo pour les gens. Ça va être bien le fun de suivre ça sur la page Facebook. Ouais. Ok, fait que après que... On va préparer les betteraves dans nos assiettes respectives. Ok, fait que on vous retrouve mais que tout soit cuit. Comme ils s'assoient à table, Guillaume et Maxime s'aperçoivent qu'ils ne pourront pas manger et animer en même temps. C'est donc leur cousin David qui se chargera de présenter un sujet chaud par appel téléphonique. Donc, pour accompagner ce petit plat maintenant prêt, que buvons-nous, mon cher Guillaume? Nous buvons la fameuse Choc Top à goût de pomme. Oh, la pomme croustillante la même! La pomme croustillante! C'est comme si on buvait une croustade aux pommes. Ben, c'est pareil, c'est comme un goût de pomme ajouté à la bière, mais qui n'enlève pas le goût de la bière, mais qui goûte quand même la saveur de pomme plus que la pomme. Ouais. C'est une bière, la première fois que j'écoutais, mais je la trouve particulièrement bonne. Personnellement, pour une bière saisonnière, d'habitude, les bières saisonnières, je suis pas nécessairement un grand fan, je bois plus des bières qui tapent un petit peu, des bières qui cognent. Ouais. Des bières un petit peu plus fortes, Mais ça, je pense que ça va bien se prendre avec un repas léger. Je pense que oui. Moi, personnellement, je suis devenu un amateur de bières plus légères et saisonnières. Okay. Parce que ben, 100% du temps, il faut que je reconduise après avoir bu. Donc, comme hier, j'ai bu la Season IPA de Molson, je pense, je sais pas quoi. Okay. Puis elle était à 3%. C'était une très bonne petite IPA pour vrai. Mm-hmm. Je trouve que les bières commerciales ont de plus en plus des bières goûteuses maintenant. Comme si je me trompe pas, c'est. Je pense que c'est Molson aussi qui avait une bière non filtrée rustique. Qui sortait de la... c'est une caisse en carton normale, mais comme un fini bois dessus. Okay. Très bon, très étonnant. C'est quasiment comme une bière de microbrasserie. Oh, ouais. Très, très étonnant. Waouh, je suis vraiment surpris. Fait que là, moi, je vais prendre ma première bouchée. T'as-tu pris une bouchée? J'ai déjà pris une. Comment trouves-tu ça? Vraiment bon. Il y avait pas d'oignons dedans, mais les oignons, je suis sûr que ça va ajouter un goût qui est encore meilleur. Mm. Là, présentement, t'as le crisp du haricot vert mélangé juste assez au cuit. Sucré. Exactement, c'est mélangé au sucré de la betterave que moi j'adore. Et l'oignon caramélisé. L'oignon caramélisé. Je suis sûr que ça va donner un goût super bon avec l'oignon. Puis la vinaigrette balsamique, ben quoi, c'est une de mes vinaigrettes préférées. J'ai toujours un classique. Très très bon. En tout cas, J.R.R. Martin, il est pas juste bon en écriture, il est bon en cuisine. Il est bon en cuisine. Moi je donne une note de un 5 sur 7 parfait. Là. Ah, moi je donne au moins 3 haricots sur 4. On a la bouche pleine, Maxime. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire si on a la bouche pleine? On peut pas parler pour nos auditeurs. Je sais, on appelle David. Non, penses-tu que notre cousin, ça va être tenté de nous parler? C'est sûr et certain, on a la bouche pleine. De toute façon, je repasse sur sa face, quoi. Non, on appuie sur le piton vert. Ok. On met sur haut-parleur. Quoi? Ah, c'est cool, ça. On va y partager notre petit repas, mais... J'espère bien que ça va y tenter de nous jaser ça, lui. Parce que moi, j'apprécie vraiment ça en avoir dans ma bouche. Allô? Hey! Salut! Comment est-ce qu'il va? Ça va bien, vous autres? Ça va bien, on est en train de manger notre recette qu'on vient de faire. Eh ouais, on a fait une recette comme dans Game of Thrones. Ok, c'est-à-dire? C'était une salade de betterave aux haricots verts et oignons caramélisés. C'est vraiment très bon. T'es jaloux. J'espère que t'es jaloux. Je te comprends. Mais là, pendant qu'on a la bouche pleine, on s'était dit, hey, on va appeler David, peut-être qu'il y a des trucs à nous raconter pour nous occuper de notre auditoire. Ah bah ben oui, il y a pas de problème. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est vrai, j'ai acheté No Man's Sky. C'est vrai? Je sais pas si je vous l'avais déjà dit. Non, je pense pas. Ça, non, c'est le jeu, jeu infini dans l'espace. Ouais, exactement. C'est à part... comment je pourrais dire ça? Et déjà en partant, moi ça fait à peu près 2 ans que j'attends ce jeu-là. Depuis qu'il a été annoncé au E3 il y a 2 ans, je disais crème sur papier, là, c'est un jeu parfait. T'sais, c'est infini, t'as des planètes à n'en plus finir. L'univers est auto-généré. C'est assez incroyable. Mes attentes étaient tellement élevées là. Je l'ai vu ce trailer-là, ça avait vraiment l'air hot. Ça semblait un petit peu comme la phase espace de Spore, si je ne m'abuse. Comment? Le trailer avait un peu l'air de la phase espace de Spore, si je ne m'abuse. Je sais pas si tu as joué à Spore. Non, j'ai pas joué à Spore, mais je connais un peu le jeu, là, je sais un peu si c'est quoi. Ok. Parce que dans le fond, là, dans No Man's Sky, le but, là, c'est d'explorer. Tu trouves des planètes, tu trouves des créatures, tu répares ton vaisseau, tu as même des aliens que tu peux parler. Okay. Ça, en même temps, c'est un peu un mélange entre Minecraft, Spores, ça peut être une Destiny si tu inclus les combats dans l'espace. Ouais. Sauf que, quand le jeu est sorti, tu regardais les trailers, tu regardais le jeu, tu disais, ben voyons, c'est pas ce que j'ai acheté. Non. Il y a plein d'affaires qui étaient dans les trailers qui sont pas dans le jeu. C'est ça, c'est un peu frustrant parce que tu payes 80$ pour un jeu sur la PS4. T'attends à voir quelque chose pour 80$. 80$ que t'as mis là-dedans? C'est incroyable. Mais voyons donc. Ça fait même pas un mois là, de ça. Il est sorti quoi, le 10 août, si je ne me trompe pas? Ouais, mais pas le même. Moi, je l'avais précommandé. C'était une précommande que j'avais fait au E3. Puis, quand j'ai vu que le jeu, pour être bien franc, c'est pas un mauvais jeu. C'est pas 2 sur 10. Là. On regarde les critiques qui ont donné peut-être un 7 sur 10. mais ça répond pas aux attentes. Fait que moi, j'ai joué peut-être 3-4 heures, j'ai exploré des planètes, je suis allé un peu dans l'univers, je voulais voir si j'allais aimer ça. Ouais. Et, personnellement, j'ai été déçu parce que j'ai peut-être vu 8-9 planètes, ils étaient toutes similaires. À part peut-être les couleurs qui changent, c'est les plantes sont mauves au lieu d'être vertes. C'est des trucs comme ça. Fait que c'est vraiment c'est futile là, comme infini dans le fond. Ben c'est ça, ça peut être infini, mais ça peut pas dire que si ton jeu est immense, qu'il est gros, qu'il est bon aussi. Là. On s'entend que. Ben tu sais, check Mario 1. Tu sais, je veux dire, le jeu il se passe en quoi une demi-heure si tu fais tous les tableaux. Hein. Ouais, c'est trippant pareil, c'est pas. T'ennuies pas. C'est ça, je veux dire, entre jouer à ça puis jouer à Mario Maker, il y a bien plus de marde dans Mario Maker que dans le premier Mario, là. Comparativement, ça va être aussi le fun de jouer au premier, même si l'autre a des tableaux à l'infini. Ben vrai. Exactement. Alors, c'est vrai que c'est un très bon parallèle avec Mario Maker, j'y avais pas pensé. Est-ce que... Fait, tout ça pour dire que, dans les dernières semaines, comme je voyais que je jouais pas à No Man's Sky, j'ai décidé de l'échanger ou d'essayer de le vendre à quelqu'un. Okay. Imaginez-vous donc que la valeur a baissé, et ça se peut pas, le plus que j'étais capable d'avoir, c'est 35$ pour un jeu que j'ai payé 80$ il y a 3 semaines de ça, là. Ben voyons donc. Ouais. Je veux dire, la personne qui te l'a acheté, c'est qu'il veut y jouer. Encore là, je l'ai même pas vendu parce que il y a quelqu'un qui voulait me l'échanger contre Dark Souls 3. Là, je fais, ben, tu vois, ouais, ça peut être un bon échange, là, dans les circonstances. Oh oui. Finalement, non, il me l'échangera pas parce qu'il l'avait déjà échangé. Donc là, il faut que j'aille dans les boutiques, c'est du crédit magasin à peu près à 30-35$. Ah. Est-ce que tu penses que il était pour mettre des mises à jour du DLC qui pourraient améliorer la patente ou c'était comme définitif ce qu'il mettait comme produit? Non, ce que j'ai compris, c'est ça, c'est qu'ils vont faire des DLC, ils vont faire des patchs où ils vont ajouter les features que ils avaient promis. Mais tu sais, encore là, en 2016, c'est frustrant de payer un jeu incomplet. Un jeu qui a des bugs, un jeu qui a pas toutes les features. Hey, t'as acheté un jeu Super Nintendo quand t'étais jeune, mais c'était définitif. Mario World, il y a rien d'autre, tu joues à ta cassette. Là, faut t'attendre qu'il y ait une mise à jour, une patch. C'est frustrant, tous les jours on dirait qu'ils sont rendus comme ça maintenant. C'est comme si t'allais au restaurant pis tu commandais ton pain, ta galette, ton fromage pis tes cornichons à part, là. C'est un petit peu le même principe, là. C'est ça, exactement, ça n'a aucun sens, ça n'a pas d'allure. Est-ce que tu dirais que tu fais un peu partie du problème parce que t'as quand même tombé dans le hype pis t'as donné de l'argent avant d'avoir vu le jeu, dans le fond, là? Oui, ça, je prends une très grosse partie du blâme en disant que j'avais des attentes, puis j'ai précommandé le jeu. Fait que c'est sûr que j'ai donné de l'argent à la compagnie pour qu'ils développent le jeu, si on peut dire ça de même. Mm-hmm. Parce que la compagnie qui a fait ça, Hello Games, c'est pas une grosse compagnie non plus. Là. Donc, en effet, je prends une partie du blâme parce que c'est vrai. Puis à cause de ce jeu-là puis de l'expérience que j'ai eue, sérieusement, ça va être difficile de précommander un nouveau jeu PS4, là. Ah ben, je comprends exactement comment tu te sens. Je suis rendu de même aussi avec Kickstarter, avec ce qui s'est passé avec Mighty No. 9, puis le nouveau Shantae qui est encore repoussé de 6 semaines. Oui. Fait que, ben... Avez-vous fini de manger? Et il nous reste comme deux bouchées, là, on achève notre repas. Okay. C'est vraiment sympathique de t'avoir... J'ai une analyse à vous faire. Ok, c'est bon. On écoute. Pensez à ça, là, pis ça a rapport avec No Man's Sky. Je me disais que vous êtes familier avec le crash des jeux vidéo des années 80? Ouais. OK. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80, en réalité, là, c'est que Atari, il y avait des jeux qui étaient sur la console, qui étaient buggés, qui marchaient pas, que c'est pas de la bonne qualité. Pis finalement, au bout de la ligne, les gamers se sont rendus compte de ça, ils ont dit, ben gars, j'achèterai plus les jeux qui ont perdu de l'argent. Vous trouvez pas qu'aujourd'hui, avec les jeux qui sortent à moitié finis, avec les DLC, puis l'expérience qui arrive avec No Man's Sky, vous trouvez pas que ça fait un bon parallèle avec le crash des jeux vidéo des années 80? Il y a un certain parallèle. Je me demande si la mentalité a pas changé aujourd'hui avec une société qui accélère constamment, puis une société de surconsommation, là. On remarque que, tu sais, on s'entend pour dire que la société de consommation était déjà commencée à l'époque, mais je pense que c'est pire que jamais. Là. C'est de l'archi-consommation là, aujourd'hui. Ce qui fait que je ne sais pas si le même phénomène se répéterait, mais c'est clair qu'il y a des similarités entre les deux. Là. À mon avis, juste savoir comment est-ce que Nintendo arrive plus à vendre des consoles, puis que même PS4 et Xbox One, ça se vend pas tant que ça. À mon avis, il y a quelque chose qui va se passer. Le jeu vidéo va changer dans les prochaines années, c'est certain. Ça peut pas rester comme ça, il y a comme trop de divisions, puis il y a trop de trucs qui sortent. Des indies, là, il y a à peu près genre 30 jeux qui sortent par jour. C'est ridicule. Ouais, c'est ça. C'est exactement comme dans le temps. Moi, je vois No Man's Sky un peu comme E.T. Sur Atari 2600. Mm-hmm. La même chose, Atari, là, il y avait des retours en pelleté, puis c'était décevant. Comme en tout cas, c'est peut-être le E.T. de notre génération. Là. Peut-être. Il y a juste le temps qui va dire si vraiment on a frappé un mur avec No Man's Sky. Ouais, clairement. Ah ben, nous, on a fini notre assiette. Merci beaucoup. C'est très sympathique, David. Ah ben, content d'avoir pu partager cette assiette-là avec vous. Ben, merci beaucoup. Puis ben, on te rappelle bientôt. Merci pour tes anecdotes tout aussi savoureuses que notre repas. Pas de problème, à la prochaine. Ciao, salut. Bye. En tout cas, je suis plein. Hey, c'était-tu bon, mec, un peu? C'était tellement bon. C'était fou, braque. Incroyable. Ah, je pensais pas lourd, que les arômes là. se mélangeraient aussi bien, mais en fin de compte, c'est incroyable. Hey, pour vrai, bon. Là, recette de geek.fr. Oh, big shout out. C'est sûr qu'on va revenir à vous. C'est sûr que oui, là. Waouh, j'ai. Eux, ils savent faire ça, une recette. Vraiment. Seul point négatif, il y avait beaucoup trop d'oignons. Fait que ouais, là, c'est... Si c'est à refaire, on met moins d'oignons, ouais, tout simplement. Soit un gros oignon ou deux petits, petits moyens, ouais, peut-être. Serait... Là, le deux gros oignons, c'était épouvantable. Là, moi, Maxime, c'était drôle. Il faut que je te dise. J'ai eu cette idée phénoménale. Okay, tu crèveras pas à ça. C'est une idée. Dans le fond, tu sais, au Québec, on a des trottoirs. Puis là, nos trottoirs... Oh. Non. Es-tu capable de garder cette idée-là encore un bout? J'ai vraiment envie d'en parler. Ben, tu m'en parleras la prochaine fois qu'on se rencontre ici, dans notre petite maison de campagne, au 17 Avenue des Pins. Oh, c'est déjà fini, mais on s'en va bientôt, Guillaume. Hey, bonne semaine. Ben, bonne semaine. Le 17 Avenue des Pins est une production puissance maximale, d'une idée originale réalisée, montée et animée par Maxime et Guillaume Lemieux. De retour la semaine prochaine, toujours mercredi, 19h.